وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع في دراستنا للقواعد المثنى، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله عز وجل التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur l'explication des règles exemplaires concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses noms. Et donc, on est toujours sur l'étude de la quatrième règle concernant les textes, concernant les preuves d'attributs. Cette quatrième règle, c'est la dernière règle qu'a mentionné l'auteur concernant la question des règles liées aux textes et aux preuves, puisqu'il a mentionné quatre règles concernant les règles liées aux textes d'attributs et aux preuves d'attributs. Dans cette règle, qui vient en quelque sorte compléter les règles précédentes, et du fait qu'on a appris dans les règles précédentes que lorsque on lit un texte d'attributs, alors on a appris dans les règles précédentes que les textes liés aux attributs divins, aux attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala, on doit les prendre selon leur sens apparent, c'est-à-dire les comprendre selon ce qu'on appelle en arabe « zahir an-nas », selon le sens apparent. Et l'auteur dans cette quatrième règle nous enseigne que le sens apparent, si on se pose la question « mais qu'est-ce que le sens apparent ?» puisqu'on a appris que dans le domaine de « al-asma wa sifat », les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, les preuves concernant cela, on doit les prendre et les comprendre selon le sens apparent. Donc si on se pose la question, mais qu'est-ce que le sens apparent ? L'auteur nous apprend dans cette règle que le sens apparent, c'est le sens qui nous vient immédiatement à l'esprit. Le premier sens qui nous vient à l'esprit, à la lecture, ou à la vision du terme. Donc le premier sens ou le sens qui nous vient directement à l'esprit, c'est ça qu'on nomme le sens apparent du texte. Et pour cela, dans la dernière assise, on avait explicité cela avec des exemples. Mais l'auteur dit, ce sens qu'on appelle sens apparent, et donc le sens apparent du texte, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, il diffère et varie. Il varie selon le contexte, premièrement, qu'on a appris hier. Il varie selon le contexte, mais il varie aussi, et ça c'est très important, selon ce à quoi on annexe. Selon ce à quoi il est annexé. C'est-à-dire, selon ce à quoi il est rapporté et lié. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que selon le contexte, le sens diffère. Selon ce à quoi aussi il est annexé, ce à quoi on annexe le discours, par exemple, le sens peut changer. Le sens peut changer. Par exemple, lorsqu'on on dit « elle y aide », le terme « elle y aide », la main, lorsque le terme « la main » est annexé, par exemple, lorsque le terme, on l'annexe, c'est-à-dire il est lié, il se rapporte, par exemple, à l'homme, la main de l'homme, alors le sens qui nous vient directement à l'esprit, c'est la main de l'homme, cette main qu'on connaît, la main de l'homme. C'est le sens qui nous vient directement à l'esprit. Mais ici, comme il est annexé, c'est-à-dire, cette main-là se rapporte et est liée à l'homme. Donc, c'est la main qui convient, C'est la main qui convient à l'homme. Mais ça varie lorsque, par exemple, on dit, comme dans le verset, Allah Azzawajal dit, pour ce que j'ai créé de mes mains, pour ce que j'ai créé de mes mains. Le terme el-yed, biyadei, le terme yed ici se rapporte au Créateur. Se rapporte au Créateur. Donc c'est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sens ici, c'est une main comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça diffère parfois par rapport au contexte, mais aussi selon ce à quoi on annexe. C'est ça le sens qu'on vient de citer précédemment. Selon ce à quoi on annexe le discours, c'est-à-dire à quoi il se rapporte et à quoi il est lié. Et ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que le sens apparent du texte d'attribut, par exemple? Le sens apparent du texte d'attribut, c'est le sens qui nous vient immédiatement à l'esprit. Qui nous vient immédiatement à l'esprit. Et donc, selon nos contextes, le sens peut varier. Premièrement, on a dit selon le contexte. Et deuxièmement, aussi selon ce à quoi il a annexé. C'est-à-dire, on annexe le discours. Donc, le sens nous vient directement à l'esprit. Par exemple, si on dit Yadulbeb. Yadulbeb. Littéralement, la main de la porte. Mais là, on a compris que le sens, c'est quoi? C'est la poignée. Donc là, selon ce à quoi le terme il est annexé, il y a un sens qui nous vient directement à l'esprit. Lorsqu'on entend Yadulbeb, Elbeb, qui est la porte, on a compris, on sait directement que c'est pas la main dont on pourrait comprendre. On sait tout de suite Yadulbeb, c'est lié à la poignée de la porte. Par exemple, le terme Elwedj. Elwedj. Al-wajh, qui est le visage, qui est le visage. Donc, le visage, al-wajh, on sait que lorsqu'on entend le terme al-wajh, le sens qui nous vient directement à l'esprit, le sens littéral, apparent, qui nous vient directement à l'esprit, c'est al-wajh, le visage. Mais parfois, selon ce à quoi il est annexé. Et là, vous comprenez maintenant lorsqu'on dit selon ce à quoi il est annexé, c'est-à-dire ce à quoi on annexe le discours, ce à quoi il est affilié, à quoi il est relié, à quoi il se rapporte. Selon ce à quoi il se rapporte, il y a un sens qui peut différer. Par exemple, lorsqu'on dit Wajhun Nahar, Wajhu An-Nahar, est-ce que vous comprenez An-Nahar en arabe? An-Nahar, c'est la journée. C'est la journée. Lorsqu'on dit Wajhun Nahar, là, c'est pas, on a compris le sens immédiat qui nous vient à l'esprit. On a compris que c'est pas le visage. Un visage avec des yeux et comme on connaît le terme visage. Ici, Wajhun Nahar, c'est dans le sens le début de journée. C'est dans le sens le début de la journée, Wajhun Nahar. Pourtant, c'est le terme Wajh qui est mentionné. Mais là, il est relié à la journée, le terme Wajh. Et donc, c'est ça qu'on appelle selon ce à quoi on annexe. Selon ce à quoi il est relié. Et à quoi il se rapporte. Ici, le terme Wajh. Donc, le sens immédiat qui nous vient lorsqu'on entend Wajhun Nahar, c'est le début de la journée. Le début de la journée. Lorsqu'on dit Wajhul Mas'ala, Wajhu al-Mas'ala. Aussi, on voit que le Wajh ici se rapporte à al-Mas'ala, au terme Wajhu al-Mas'ala. Et c'est pour cela qu'ensuite il y a un grand débat chez les savants, un grand débat chez les savants concernant la question du sens figuré, ce qu'on appelle al-Majaz, parce qu'il y a le sens propre. Il y a le sens figuré des termes. Et c'est pour cela que il y a un grand débat chez des grands linguistes et savants. Est-ce que dans la langue arabe, il y a le sens figuré? Et donc certains savants et linguistes considèrent qu'il y a un sens figuré par rapport à ce qu'on vient de mentionner précédemment. Par exemple, le fait que wedge ici peut avoir tel sens et du fait qu'il peut avoir un autre sens, comme on avait dit pour el asad. El asad, le lion par exemple, qui a le sens propre et le sens figuré du lion, qui peut être dans le sens figuré la personne courageuse, qui a du courage. Sauf que certains savants, et de grands éminents, illustres et érudits, savants, considèrent qu'il n'y a pas en fait de sens figuré dans la langue arabe. Parce qu'en fait, le sens qu'on pourrait considérer et croire qu'il est un sens figuré, c'est le sens réel. Mais c'est du fait qu'il est lié au contexte, ou bien il est lié à ce à quoi on l'annexe. À ce à quoi on l'annexe. Et donc, par exemple, lorsque on dit « Wajhun Nahar », en fait, « Wajhun Nahar », le début de la journée, ici, ça ne serait pas forcément, pour certains savants, un sens figuré. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. Et ce sens-là, c'est un sens réel. C'est un sens qui est réel. Et c'est le sens qui nous vient directement à l'esprit et il n'est pas forcément figuré. Donc ça, c'est dans le débat qu'il y a entre les grands linguistes et les grands savants concernant dans la langue arabe, est-ce qu'il y a un sens figuré, ce qu'on appelle la question de Al-Majaz. Mais ça, c'est une autre question, c'est une question qui est plus grande et c'est une question qui demande développer. Ensuite, donc là, si on a compris, nous, ce qu'il faut comprendre ici, en résumé, c'est que on a appris, et ça, il faut le garder à l'esprit, que lorsque on est face à un texte d'attribut, qu'est-ce qu'un texte d'attribut ? Lorsqu'on est face à un verset, où il y a la mention d'un attribut d'Allah Azza wa Jal, ou bien un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il y a la mention d'un nom et d'un attribut d'Allah Azza wa Jal, ou d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala au pluriel, alors là on est face à un texte d'attributs. Le texte d'attributs, comme on l'a dit précédemment, par exemple, si c'est un verset, donc c'est un verset d'attributs. Le verset d'attributs, donc la règle, c'est qu'il faille le comprendre selon le sens apparent. Qu'est-ce que le sens apparent ? C'est ce qu'on apprend là. Le sens apparent, c'est le sens qui nous vient immédiatement à l'esprit. On le comprend. C'est ce qui nous vient directement à l'esprit. On le comprend. Sauf qu'on a appris précédemment que ce sens-là du terme qui nous vient directement à l'esprit, il varie. Il est différent selon le contexte. Dans un contexte, le terme peut avoir tel sens et dans un autre contexte, il peut avoir un autre sens. Donc il varie selon le contexte. Mais aussi, il varie selon ce à quoi on l'annexe. Il varie selon ce à quoi on l'annexe. On l'a expliqué précédemment et dans l'autre assise, on a bien détaillé cela. Ce à quoi on l'annexe, c'est dans le sens ce à quoi il se rapporte. Donc le sens peut varier. Et donc selon le contexte, on avait bien expliqué, le sens varie. Sauf que ce sens-là qu'on considère comme le sens apparent du texte, c'est le sens qui nous vient directement et immédiatement à l'esprit. Comme par exemple, selon le contexte, comme on avait donné un exemple simple hier, lorsqu'on dit, par exemple, j'ai capturé un lion dans le désert. J'ai vu, par exemple, un lion dans le désert. La personne, ce qui lui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'animal féroce, le lion, l'animal féroce. Mais en arabe, on peut utiliser aussi le terme el-asad, parce que ici, c'est le terme el-asad, asad. Ra'aytu aw qataltu asadan fil fala, dans cet exemple, par exemple. C'est le terme asad, asad qui est le lion qui est mentionné. Si par exemple en arabe je peux dire j'ai vu un lion, là je vous dis la traduction en français littérale, porter ses effets, ses bagages jusqu'à l'école. Là on a compris que là c'est quelqu'un de courageux. On a compris que le sens apparent ici c'est pas le lion, l'animal féroce, mais on sait que c'est une personne courageuse qui porte ses effets, ses bagages jusqu'à ses effets, il les porte jusqu'à, par exemple, l'école ou son lieu, par exemple, de travail. Donc, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, on le sait. Le sens apparent ici, ce qui nous vient à l'esprit. Sauf que vous avez vu, dans un premier temps, dans le premier exemple, le sens du terme « assed », puisqu'on est dans les exemples, on a le terme « assed » qui est mentionné. Dans le premier exemple, c'est l'animal féroce. Dans le deuxième exemple, c'est le même terme, mais c'est celui qui a du courage, qui est sous-entendu. Qu'est-ce qui fait la différence et la variation de sens? C'est ici le contexte. Et aussi ce à quoi il est rapporté. Ça peut être aussi lié à ce à quoi il est rapporté. Comme on a mentionné, et comme nous a mentionné l'auteur dans l'exemple qu'on avait cité, et que l'auteur avait cité lui-même, pour nous faire comprendre ici le sens. Taïb. Donc on va continuer. Donc si on a bien compris ça, on va pouvoir comprendre ensuite ce que l'auteur nous enseigne. Il nous dit maintenant, si cela est clarifié, et si cela est clair, alors les gens concernant ou face au sens apparent se divisent en trois catégories. Et on devait justement commencer sur l'explication des trois catégories. Des trois catégories de gens face au sens apparent. Taïb. Donc on continue. Donc les trois catégories maintenant, si on a compris cela, face au sens apparent. قال المصنف رحمه الله تعالى. L'auteur dit: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. Donc il dit si cela est clarifié et compris, si cela est clair, alors concernant les textes d'attributs, donc comprenez bien, là il dit concernant les textes d'attributs, le sens apparent, c'est-à-dire le sens qui nous vient immédiatement à l'esprit, concernant ce sens-là, les gens, il dit, se sont divisés en trois catégories. La première catégorie, il dit, من جعل ظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل. C'est la première catégorie, c'est ceux qui ont considéré le sens apparent comme étant un sens véritable qui convient au Créateur, qui convient à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que là, on est en train de parler du sens apparent des textes d'attributs. Et là, comme vous comprenez, on parle des textes d'attributs d'Allah, du Créateur, de notre Seigneur, Subhanahu wa ta'ala. Glorifié, exalté soit-il. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui ont compris les textes d'attributs lorsque les attributs du Créateur, d'Allah Azzawajal, sont mentionnés. Le sens apparent, c'est un sens qui est véritable, qui convient à Allah, au Créateur. وَأَبْقَوْ دَلَالَتَهَا عَلَى ذَلِكَ. Et cette catégorie-là, l'auteur dit, ce sont les pieux prédécesseurs. C'était la méthodologie, les pieux prédécesseurs. الَّذِينَ اِجْتَمَعُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est ceux qui se sont réunis, et faites bien attention au terme réunis, comme on va l'expliquer ici. C'est la traduction مَنْ اِجْتَمَعَ. الَّذِينَ اِجْتَمَعُوا. Écoutez bien le terme ici, concentrez-vous bien, remarquez, lorsqu'il dit ce sont ceux qui se sont réunis. Puisque là, vous allez comprendre quelque chose de très important. Lorsqu'il dit cette première catégorie, donc, c'est ceux qui ont compris le sens, qui ont pris le sens apparent des textes d'attributs, comme il convient au Créateur Subhanahu wa ta'ala. Et eux, ce sont ceux qui sont ils se sont réunis, en quelque sorte, ils se sont rassemblés sur les enseignements de l'envoyé, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Et ce sont eux sur qui le terme Ahlus Sunnati wal Jama'a est appliqué. C'est-à-dire, ce sont eux qui méritent le terme et qui méritent cette appellation Ahlus Sunnati wa al-Jama'a. Wa al-Jama'a. Et là, c'est très important. Pourquoi? Puisque dans l'explication, le cheikh va nous expliquer justement le terme Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est pour ça que je vous ai bien demandé de remarquer lorsqu'il a dit, ce sont ceux qui se sont réunis, rassemblés sur les enseignements du messager d'Allah et de ses compagnons. Parce que vous allez comprendre pourquoi ce point-là est important dans ce qui va suivre. Donc, dans cette première catégorie, l'auteur nous dit, cette catégorie regroupe ceux qui ont fait du sens apparent, qui vient immédiatement à l'esprit le sens véritable qui convient à Allah. Ça, c'est la première catégorie. Et l'ont pris tel quel. Ce sont justement les pieux prédécesseurs. C'était leur méthodologie. Lesquels ont suivi la voie du prophète, de ses compagnons et de ceux qui le nom Ahl Sunnati wal Jama'a s'applique véritablement. Donc regardez, l'auteur nous dit que eux, cette catégorie de gens, l'appellation Ahl Sunnati wal Jama'a, elle s'applique véritablement. C'est eux qui méritent cette appellation. Pourquoi? Parce que Ahl Sunna, regardez lorsque vous entendez Ahl Sunna, les gens de la Sunna et du rassemblement, souvent c'est traduit comme ça. Ahl Sunna, pourquoi ils sont appelés les gens de la Sunna, les partisans de la Sunna? Parce que ils appliquent véritablement la Sunna et se sont distingués de cette manière. Alors que beaucoup, lorsque ont émergé différents courants de pensée, et lorsque dans le monde musulman commence à émerger l'innovation, une catégorie de gens se sont distingués dans leur fait de s'être attachés aux enseignements et à la tradition du prophète, en sallam. Ça, c'est une première chose. Donc écoutez bien, comme ça vous allez bien comprendre sur qui aujourd'hui aussi s'applique cette appellation-là, véritablement. Et qui mérite cette appellation-là. De sorte que lorsque ont émergé et se sont propagés différents courants de pensée dans le monde musulman, ainsi que les innovations, des gens, on a dit précédemment, se sont distingués dans leur attachement aux prescriptions et à la tradition du noble prophète, sallam. Et aussi, deuxième chose, ces gens-là qui se sont distingués de cette manière se sont réunis et rassemblés autour de quelque chose. Ils se sont rassemblés autour de quelque chose. Rassemblés autour de quoi? C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à ce terme-là, ce qu'explique l'auteur. C'est pas en vain, lorsqu'il dit, et ils se sont rassemblés sur quelque chose. Sur quoi? Il le dit simplement, mais le sens est très fort, lorsqu'il dit, ils se sont en fait rassemblés, du fait qu'ils se sont attachés à la tradition prophétique, et ils se sont rassemblés aussi autour de ces enseignements, de cette tradition. Et aussi, ils se sont rassemblés autour des enseignements des compagnons de celui-ci, c'est-à-dire du prophète, sans sallam, que les prières et les bénédictions soient sur lui. Idan, donc pour cela, la yasduq illa ala haoula. Donc cette appellation-là, elle ne peut s'appliquer que sur eux. Cette appellation-là, elle ne peut s'appliquer que sur ceux qui se sont distingués du fait de s'être attachés à la tradition du prophète et s'être rassemblés sur ses enseignements et sur les enseignements de ses compagnons. L'appellation ne peut s'appliquer que sur eux. Par contre, certains ont dit le sens de l'jama'a, c'est un groupe qui est uni et rassemblé autour d'un imam, autour d'un guide, que le terme al-jama'a, c'est dans le sens un groupe qui est rassemblé et uni autour d'un guide, d'un imam. فأهل السنة والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد. Donc le sens, ça serait que, selon cette considération-là, le sens Ahl Sunnati wal Jama'a, ça serait le groupe qui serait uni autour d'un imam, derrière un guide. Donc un groupe qui serait derrière un guide. L'auteur nous dit, dans son commentaire, il dit cette explication-là, ou bien cette revendication-là, est mensongère. C'est faux, en fait. Il dit « فَهَذَا كَذِبٌ عَلَى اللُّغَى » C'est un mensonge concernant la linguistique et la langue arabe. Concernant la langue arabe. Mais pourquoi ? Parce qu'il dit, dans la linguistique arabe et le sens de la langue arabe, « al-jama'a », le terme que nous on traduit par « le groupe », c'est dans le sens en arabe de « al-ijtima'a ». Le groupe, al-jama'a, et ça faut bien le comprendre parce que ça vient dans beaucoup de textes, al-jama'a, et dans beaucoup d'écrits, al-jama'a. Le sens de al-jama'a, c'est un sujet qui est immensément important. Donc faut bien le comprendre. Qu'est-ce que al-jama'a ? Jama'a, c'est pas explicable comme ça a été expliqué par beaucoup, comme étant dit, un groupe qui serait derrière un guide. Et ce groupe-là est nommé al-jama'a. Non, il dit, al-jama'a, c'est quoi ? C'est dans le sens al-ijtima'a, le rassemblement. C'est le fait de se rassembler, le fait de s'unir et de se rassembler. C'est ça le terme al-jama'a. Wa hada asl fi lafz al-jama'a. Il dit c'est ça l'origine du terme en arabe de al-jama'a. C'est pour cela que le savant de l'islam, dans son épître et dans son œuvre, al-aqida al-wasitiyya, dans la célèbre œuvre al-wasitiyya, qala, il dit « al-jama'a », le terme « al-jama'a », l'origine de ce terme, c'est « ismun lil-ijtima'a ». C'est un nom pour sous-entendre ici, faire allusion au rassemblement, à l'ijtima'a et à l'union. « Fayakunu ma'na ahl-sunna », donc le sens maintenant. « Ahl-sunnati wa al-jama'a ». Le sens, c'est que « ahl-sunnati ay ahl-sunna » c'est les partisans de la sunna ou l'ijtima'i à la sunna. Quel est le sens de ahl sunnati wal jama'a? C'est ahl sunnati yani ahl as-sunna wal jama'a wal ijtima'a ala sunna ay ahl sunnati wal ijtima'i ala as-sunna. Donc ce sont les gens de la sunna qui se sont rassemblés et unis sur la sunna. C'est ça le sens de al-jama'a. De sorte que vous pouvez trouver dans beaucoup d'écrits, par exemple, que les doctrines et les tendances qui ont interprété les textes d'attributs, puisque là on est dans l'étude des textes liés aux attributs divins, aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Ceux par exemple qui ont recours à l'interprétation des textes, et n'ont pas pris ces textes d'attributs selon le sens apparent. Ce qu'on appelle Ahl al-Ta'wil, les gens de l'interprétation des attributs. Ou bien la doctrine de Ahl al-Tafwid, comme on l'a expliqué dans les assises précédentes. Ahl al-Tafwid, ceux qui disent ou qui prétendent que le sens de l'attribut n'est pas connu. On le remet à Allah Azza wa Jalla, comme on l'avait cité précédemment. Ces deux doctrines-là, là on ne parle pas de des doctrines de la négation des attributs ou autres. Ou de Ahl al-Kalam, les gens de la spéculation de la théologie dialectique. On parle précisément de ceux qui ont recours à Ta'wil, Ahl al-Ta'wil, wa al-Tafwid. Ceux qui ont adhéré à la doctrine du Tafwid en disant nous affirmons l'attribut, sauf que le sens pour nous est inconnu, ou bien ceux qui n'ont pas pris le sens apparent du texte d'attribut, mais l'interpréter. Vous retrouvez dans certaines œuvres et certains écrits que certains savants les ont considérés comme étant parmi les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ahl Sunnati wa al Jama'a. Sauf que lorsqu'on voit le sens de Ahl Sunnati wal Jama'a, beaucoup de savants ont dit que c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que la yasduq alayhim annahum ahl sunnah. مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة لكننا نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب لأننا نعلم أن سنة الرسول وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل. Il dit pourquoi? Il dit cette appellation-là ne peut pas s'appliquer sur eux. Pourquoi? Parce que la tradition du prophète et ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, c'est-à-dire les enseignements du messager d'Allah, et les enseignements sur ce quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, étaient le fait concernant les attributs ou les textes d'attributs de prendre les textes selon leur apparence, selon le sens apparent, et de le comprendre comme il convient au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceux qui vont se réunir et se rassembler sur cela, alors l'appellation Ahl Sunnati wal Jama'a s'applique sur eux. Sauf que les doctrines précédemment citées, par exemple Ahl Ta'wil, ont falsifié, ont eu recours à de la falsification. Donc en aucun cas, ils peuvent être considérés comme ceux qui se sont rassemblés autour des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falhasil, en résumé, le laqab, l'appellation Ahl Sunnati wal Jama'a s'applique à ceux, justement, dans le domaine, par exemple dans ce domaine, à ceux qui se sont attachés à la tradition du prophète et qui se sont rassemblés sur ces enseignements-là. Alors, cette première catégorie, qui est considérée comme la méthodologie des gens de la sunna, maintenant et du rassemblement, du fait de prendre les textes d'attribution dans leur sens apparent et de les comprendre comme ils conviennent au Créateur, ces attributs-là, qui, parmi les grands savants, ont justement dit que ça c'est la méthodologie et la voie des premiers de cette nation. L'auteur nous dit ensuite, justement, il dit « وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ » Il dit que les savants ont été unanimes. Donc là, écoutez bien. Maintenant, on avance un peu. Il dit que les savants ont été unanimes sur ça. Unanimes sur quoi? Et ça, c'est très important. Unanimes sur quoi? Sur le fait que les premiers de cette nation, ceux qui se sont rassemblés autour des enseignements ou sur les enseignements du messager d'Allah et de ses compagnons, ont pris les textes d'attributs et les ont compris selon le sens apparent. Certains savants ont mentionné l'ijma sur cela. Et pour cela, l'auteur il dit, comme l'a mentionné Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, ce célèbre et grand illustre érudit savant, dans son livre At-Tamhid. Dans son livre At-Tamhid, il mentionne un consensus. فَقَالَ أَهْلُ السُنَّةِ مُجْمِعُونَ عَنَ الْإِقْرَارِ بِالصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ كُلِّهَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُنَّةِ وَالْإِيمَانِ بِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا عَلَى الْمَجَازِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُكَيِّفُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَحُدُّونَ فِيهِ صِفَةً مَحْصُورَةً انْتَهَى كَلَامُهُ. Pourquoi cette citation, elle est importante? Pourquoi Cheikh ici, l'auteur, nous mentionne cette citation? Parce que là, le fait de dire que la méthodologie des premiers concernant les textes d'attributs, c'est de le comprendre et le prendre selon le sens apparent, comme il convient au Créateur subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui a dit ça? Si vous êtes face à une personne, par exemple dans une discussion, qui dit « Mais qui est-ce qui a dit ça ?» C'est le ulama. Ce sont les grands savants et érudits de cette nation. Et jusqu'à ce que certains savants ont mentionné el-ijma'a, ont mentionné justement le consensus sur cela, l'unanimité. Qui, par exemple, Ibn Abd al-Barr, dans son livre At-Tamhid, il dit, Et justement, l'auteur va faire la citation dans son livre At-Tamhid. Qu'est-ce qu'il dit de manière plus exacte? Fi kitab At-Tamhid, il dit les gens de la Sunna s'accordent à reconnaître et à croire en tous les attributs mentionnés dans le Coran et la Sunna. Ils conviennent aussi à leur conférer leur sens réel et non un sens figuré. Regardez, il dit que les gens de la Sunna, depuis les premiers temps, sont unanimes sur le fait que les attributs divins, les attributs d'Allah Azzawajal, de les prendre selon le sens apparent. Et de ne pas prétendre que cela, en réalité, c'est un sens figuré. Il faut le comprendre selon le sens figuré. Ou bien, vous pouvez comprendre plus facilement, le sens métaphorique. Lorsqu'il est cité, on est face à un texte d'attribut, où il y a la mention d'un attribut d'Allah Azzawajal, ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un sens figuré. C'est un sens réel. C'est un sens réel, comme il convient, par contre, au Créateur. C'est ce que va dire Ibn Abdelbar. Regardez, il dit, dans cette très belle parole, il dit, les gens de la Sunna s'accordent à reconnaître et à croire en tous les attributs mentionnés dans le Coran et la Sunna. Ils conviennent aussi à leur conférer leur sens réel et non un sens métaphorique. Sans, par contre, il dit, dans leur méthodologie, sans, par contre, chercher ensuite le comment de celui-ci, de l'attribut. Regardez, il le dit. Ensuite, il dit, du fait que eux, وَحَمْلِهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ, ils comprennent le sens selon son sens réel, non selon le fait que ça sera un sens métaphorique ou bien figuré, illa annahum, sauf qu'ils ne cherchent pas le comment de celui-ci. وَلَا يَحُدُّونَ فِيهِ صِفَةً مَحْصُورَةً. Et il termine en disant, ni à définir aucun attribut en particulier, ni en cherchant à le définir, l'attribut. Il l'affirme selon le sens réel et apparent, comme il convient au Créateur, mais sans chercher le comment de celui-ci et sans essayer de le définir. Et ça, vous pouvez retrouver dans Kitab At-Tamhid. L'auteur ici, lorsqu'on dit auteur, vous avez compris, c'est Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, on est toujours sur les textes, il dit qu'un autre grand savant, Abu Ya'la, un grand savant Abu Ya'la, dans son livre Ibtal al-Ta'wil, dans son livre Ibtal al-Ta'wil, l'annulation de l'interprétation, il dit, dans son livre Ibtal al-Ta'wil, la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wa la tashaghulu bi ta'wiliha. والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفة الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Abu Ya'la, ce savant, dans son livre qu'on a cité, Ibtal al-Ta'wil, regardez ce qu'il dit. Il disait, il n'est pas permis de rejeter ces informations, ni de les soumettre à l'interprétation. C'est-à-dire, il parle des informations concernant notre Créateur, concernant Allah, les attributs d'Allah. Il dit, il n'est pas permis de, premièrement, les rejeter ou bien les soumettre à l'interprétation. Le devoir consiste, regardez ce qu'il dit, le devoir consiste de leur conférer le sens apparent. Regardez dans son livre déjà, Abu Ya'la, comment il le stipule bien, fi kitab Ibtal al-Ta'wil, mais de le conférer selon le sens apparent. Ce sont les attributs d'Allah et ils ne ressemblent pas aux attributs avec lesquels on décrit les créatures. Et on ne peut croire en une ressemblance en ceci, conformément à ce qui était rapporté d'après l'imam Ahmed et l'ensemble des imams des gens de la Sunna. Donc il dit conformément, et c'est ça qui est rapporté de l'imam Ahmed et de grands imams dans les premières générations, de grands imams et grands érudits savants depuis les premières génération. L'auteur ensuite nous dit que cette citation de Ibn Abd al-Barr, que vous retrouvez dans le Kitab al-Tamhid, et cette citation, cette deuxième citation qu'on a pris de Al-Qadi Abu Ya'la dans son livre Ibtal al-Ta'wil, vous pouvez retrouver que le savant de l'islam, il les mentionne dans son célèbre livre Al-Fatawa al-Hamawiyya. Al-Fatawa al-Hamawiyya. Vous pouvez retrouver que il va dire que le cheikh de l'islam les a mentionnés, les a transmises dans son livre Al-Fatawa, Al-Fatwa, Al-Hamawiyya, Al-Hamawiyya. Et là, vous allez retrouver justement, si vous vous référez à ce immense écrit et cette immense œuvre du savant de l'islam, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vous référez à cette œuvre-là, vous allez voir que dedans, il fait référence à de nombreuses citations de grands savants concernant cela. De nombreuses citations. Jusqu'à ce que certaines citations qu'il a mentionnées dans son livre Al-Hamawiyya, vous n'allez pas les retrouver. Vous n'allez plus les retrouver, ces citations-là, parce que certains savants disent que certaines citations qu'il y a dans Al-Hamawiyya, les livres de leurs auteurs ont disparu. Ils n'ont pas été retrouvés. C'est pour ça que vous allez retrouver des citations qu'il y a dans Al-Hamawiyya, qui est justement des citations de grands savants et de grands imams que vous n'allez pas retrouver dans d'autres livres. Pourquoi ? Parce que ces livres-là, de ces auteurs-là, certains ont disparu. Et lui, il les a mentionnés dans sa fatawa, Fatawa al-Hamawiyya. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ. Ensuite, l'auteur dit que cette première catégorie, donc, le fait de prendre le sens apparent des attributs et de les comprendre comme ils conviennent à Allah Azza wa Jal, c'est la pensée, c'est le courant de pensée, c'est le madhab, c'est l'école authentique. C'est la compréhension authentique et la méthodologie authentique. وَالطَّرِيقُ الْقَوِيمُ الْحَكِيمُ وَذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ. Et il dit, et cela pour deux causes. Il dit, c'est la méthodologie authentique de comprendre les attributs selon le sens apparent du Créateur subhanahu wa ta'ala, les attributs du Créateur selon d'Allah azza wa jal, selon le sens apparent, cela est la voie authentique pour deux choses. Il dit al-awwal, premièrement, wa dhalika liwajhain, al-awwal annahu tatbiqun tammun lima dalla alayhi al-kitab wa sunnah min wujub al-akhdh bima ja'a fihima min asma'illahi wa sifatihi kama يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. Premièrement, pourquoi c'est la méthodologie authentique? Il dit, pourquoi? Parce que c'est ça réellement l'application des textes sacrés du Coran et de la Sunna, le fait de prendre ce qui est venu comme information, et surtout ce qui est venu comme information au sujet du Créateur, parmi ses noms et ses attributs. Et toute personne qui fait des recherches en cela verra que cela est vérité. Mais il stipule bien, toute personne qui fait des recherches avec savoir et justice. Il dit bien avec savoir et équité et justice. Il cite bien ces deux termes très importants dans cela. Donc regardez, il dit, pour deux choses, pourquoi cette méthodologie, c'est la méthodologie et la voie authentique, dans la croyance aux attributs divins, aux attributs d'Allah, la voie droite et sage. Premièrement, il dit pour deux choses. Premièrement, l'application totale de ce que le Coran et la Sunna indiquent, à savoir l'obligation de prendre ce qui s'y trouve comme nom et attribut d'Allah. C'est ce que peut constater la personne compétente et équitable qui suit la doctrine des gens de la Sunna, c'est-à-dire la personne compétente qui a du savoir et la personne qui a de la justice. Donc c'est ça la méthodologie authentique, premièrement pour ce qu'on vient de citer. C'est l'application totale de ce que le Coran et la Sunna indiquent, à savoir l'obligation de prendre ce qui s'y trouve comme nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que pourra constater toute personne qui fait des recherches avec science et justice. Pourquoi l'auteur a cité le terme « la personne qui fait des recherches, qui suit cela avec science, savoir et justice. Pourquoi il cite ces deux points-là très importants? Parce que le savoir, c'est contraire à l'ignorance. Le savoir, c'est contraire à l'ignorance. Et la justice, l'équité, c'est contraire à l'injustice. C'est contraire à l'injustice. Donc, il faut avoir ces deux caractéristiques. L'auteur stipule qu'il faut avoir ces deux caractéristiques. وَذَلِكَ لِيَنَا الْإِنسَانَ لَبُدَّ لَهُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَمْرَيْنَ الْعِلْمُ وَالْإِنصَافِ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut juger d'une chose, celui qui veut faire des recherches, c'est juger d'une chose. Pour juger d'une chose, il faut ces deux caractéristiques. Le savoir et la justice, l'équité. Pourquoi? Parce que si, par exemple, une personne est amenée de juger d'une chose, mais n'a pas de savoir, comment il peut savoir, lui, reconnaître le bien fondé d'une chose? Puisque le contraire du savoir, c'est l'ignorance. Donc lui, si une personne est amenée à juger d'une chose, comment peut-il reconnaître le bien fondé d'une chose? L'auteur dit qu'il faut deux caractéristiques. Le savoir et la justice. Être juste. Être juste. Pourquoi? Parce que si on t'appelle à juger d'une chose et tu n'as pas de savoir, donc tu es ignorante de la chose. Donc tu ne peux pas juger du bien fondé, premièrement, de la chose. Regardez, et ça, on est dans le commentaire. Hein. L'auteur là, a fait allusion à cela dans le texte, mais dans le commentaire, il l'explique bien. Et il dit, et en ce qui concerne l'injuste, son jugement n'est pas accepté. Aussi bien le jugement de l'ignorant n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que si l'ignorant est amené à juger d'une chose, on ne peut pas prendre son jugement. Parce qu'il est ignorant en fait de la chose. Et s'il est injuste, on ne peut pas prendre son jugement aussi. Pourquoi? Parce que l'injuste, son jugement n'est pas pris en considération. لِأَنَّهُ جَائِرٌ فَمَنْ تَتَبَّعَ النُّصُوصُ بِعِلْمٍ وَجَمَعَ بَيْنَهَا وَأَنْصَفَ فِيهَا أَوْ فِي مَا يَتَدَبَّرُ وَفِي مَا يَقُولُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ علم اليقين أن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح. Il dit, regardez, il dit pour cela, lorsqu'on est amené à juger d'une chose, on ne peut le faire si ce n'est avec savoir et justice. Avec savoir et justice. De sorte qu'ensuite il dit, celui, il le dit bien précisément, الذي يتتبع النصوص بعلم وَجَمَعَ بَيْنَهَا. Celui, par exemple, qui va faire des recherches et en quelque sorte poursuivre, suivre, rechercher dans les textes, sacrés. Et il va réunir les textes concernant cela. Il dit, si il le fait avec savoir, ilm, et justice, ces deux caractéristiques-là, alors avec justice de sorte qu'il va réflexionner, méditer. وَفِي مَا يَقُولُ. Alors, il dit, il va aboutir à une conclusion. Il va aboutir au fait, il sera avec un savoir certain, avec le savoir de la certitude, que cette méthodologie-là, c'est la méthodologie authentique. Le fait d'aborder, de comprendre les textes d'attributs selon le sens apparent, et de les accepter, de les affirmer comme il convient au créateur subhanahu wa ta'ala, et que celle-ci c'est la voie des gens de la sunna et du rassemblement. Athani, il dit deuxièmement. C'est quoi le deuxièmement? Ça se rapporte à quoi deuxièmement? C'est pour voir si on a toujours sur le fil du sujet. Quand il dit maintenant deuxièmement. Deuxièmement, c'est-à-dire, il a dit que pour deux causes. Deux causes. Il mentionne deux causes qui prouvent que cette méthodologie-là, le fait de comprendre les textes d'attribution dans le sens apparent comme il convient au créateur, c'est la voie authentique. Et des premiers, parmi les premières générations. Il dit pour deux causes. La première cause, c'est le fait que c'est l'application totale de ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, de ce qu'ils indiquent, à savoir l'obligation de prendre ce qui s'y trouve comme nom et attribut d'Allah, c'est ce que peut constater la personne compétente et équitable qui suit la doctrine des gens de la Sunna. Ça, c'est la première cause pour laquelle cette méthodologie-là est véritable. Deuxième cause, pourquoi cette méthodologie-là, le fait d'avoir pris les textes, selon le sens apparent, les textes d'attribuer, de les comprendre comme ils conviennent à Allah Azzajal, pourquoi cela est vérité? Parce qu'il dit, الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. الثاني باطل. Il dit deuxièmement, ce qui prouve cela, c'est si on se dit, on se pose la question, la vérité se trouve où? Si on a compris cela, est-ce que la vérité se trouve sur ce qu'ont dit les premiers, les premières générations, les premiers musulmans, ceux qui ont précédé, les ancêtres, ou bien ce qu'ont dit autres? La vérité se trouve où? Ce qu'ont dit les premiers ou ce qu'ont dit autres que les premiers, ceux qui viendront plus tard? Le deuxième, il est clair qu'il est faux. C'est pas. La vérité va se trouver sur ce qu'on dit et ce qu'ont enseigné les premiers, parmi les compagnons du prophète, sallam, et leurs disciples, ainsi de suite. Du fait que, لأنه يلزم منهم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. Pourquoi? Parce que, si on dit que la vérité, c'est ce qu'on dit, ceux qui sont venus après, c'est-à-dire autre. Je le dis, moi je l'ai traduit littéralement, autre que les premiers. Si on dit, Taïb, une personne admet, et dit non, la vérité en fait, elle peut se trouver dans ce qu'on dit, je traduis littéralement ce qu'a dit l'auteur, les autres, c'est-à-dire autre que les premiers, dans les premières générations de l'islam. Donc, cela sous-entend que ce qu'on dit les premiers est faux. Et ce qu'ont dit les premiers, c'est égarement. Or, on ne peut pas concevoir cela. Que les compagnons, par exemple, leur conviction et ce qu'ils ont dit sur les attributs du Créateur est faux. On ne peut pas concevoir cela. Que les compagnons ont mal compris le sujet des attributs d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas concevoir cela. Donc, la méthodologie des compagnons concernant le domaine des attributs et la compréhension des textes d'attributs divins, d'attributs d'Allah Azza wa Jal, de leurs disciples et ceux qui les ont suivis dans le bien, c'est la méthodologie véritable. Il dit, sinon, لأنه لا يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلم مرة واحدا لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل فبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. Et donc il termine cette première catégorie, ce deuxième point dans la première catégorie, il disait du fait que on peut dire, donc là je vais vous lire la traduction, on l'a expliqué, vous allez mieux comprendre maintenant, on peut dire la vérité se trouve soit dans ce qu'a dit les pieux prédécesseurs, soit dans ce qui a été soutenu par d'autres. Plus tard, par d'autres. La deuxième proposition ne peut être que fausse. Pourquoi? Il dit, parce que cela supposerait que les prédécesseurs, parmi les compagnons et leurs successeurs dans l'excellence, soutenaient dans leurs propos le faux de manière explicite ou manifeste, et qu'ils n'ont jamais parlé explicitement et manifestement de la vérité en laquelle il est obligatoire de croire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que ils ont soutenu le faux. Parce que est-ce que les compagnons, il est rapporté qu'ils ont fait de l'interprétation des textes d'attributs? Non. Ce qu'ont on a appris des compagnons, c'est que ils ont compris les textes comme ils ont été révélés et enseignés par le prophète, sans avoir recours à de l'interprétation et sans dire que le sens n'est pas connu, par exemple. Donc, selon la deuxième considération, on dirait que les compagnons et leurs disciples qui les ont suivis dans l'excellence ont soutenu le faux, si cela était faux. Or, cela n'est pas concevable. Cela n'est pas concevable. Donc, regardez. Il dit, pour cela, cela implique, donc, pourquoi ce n'est pas concevable ? Parce que cela implique qu'ils ignoraient la vérité et qu'ils en ont eu connaissance, mais qu'ils l'ont cachée. Si, par exemple, il fallait interpréter. Pourquoi, par exemple, ça ne nous a pas été rapporté des compagnons ? Cela implique, donc, s'il faille interpréter ou falsifier, cela implique que eux, les compagnons, ils ignoraient donc la vérité. Ils ignoraient cela, ou qu'ils en ont eu connaissance, mais ils l'ont dissimulé. Ça voudrait dire, donc cela. Or, ces deux cas sont faux. La fausseté du lazim, ce qui implique, indique la fausseté du melzoum, ce qui est impliqué. C'est-à-dire, cela est faux. Donc, si la prétention est fausse, ça dénote la fausseté de l'argument de ceux qui prétendent. Il s'avère alors que la vérité réside dans ce qui a été dit par les prédécesseurs à l'exclusion des autres. Donc, on comprend que la vérité, elle réside dans ce qu'on dit et ce qui nous est rapporté des pieux prédécesseurs. Voilà, là on a fini la première catégorie. On a dit que l'auteur avait dit il y a trois catégories concernant le fait de prendre les textes d'attributs selon le sens apparent. Là, l'auteur dans la première catégorie de gens, il a cité les gens de la Sunna wa al-Jama'a, la méthodologie authentique. Ensuite, vous voulez qu'on commence à la deuxième catégorie, on laisse à la prochaine assise, Inch'Allah. Comme on avance un peu, on peut laisser ça à la prochaine assise, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.